lorsque l'écrivain continue la danse, prostitue ton prochain et vite la renaissance. L'évêque nous prévient du mal et de sa délivrance. Échec, incendie, échec, plus rien nous surprend. Échec, rien à faire ici. Échec, rien de distrait, on tombe dans l'oubli où est l'interdit. Échec. Miséreux de vérité, fil d'acier barricadé dans un enclos acharné à la tâche contre un sous-esclos. Enragé en vouloir au monde entier, l'énergie sous vide, un bout de mille idées, effervescence, explosion, comme un glaçon, attention, échec, on s'ennuie, échec, même les autres vies, échec, destruction éminente, échec, crève au mieux.